بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة فضل رب البرية بشرح مرار البهية للعلامة محمد ابن علي الشوكاني بشرح فضيلة الشيخ علي ابن مختار الرملي حفظه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, nous continuons dans la lecture du livre Les Belles Perles de l'imam Shawkani, et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre chapitre dans le grand chapitre de Janaïs des funérailles. La semaine passée, nous avons vu le chapitre sur l'obligation de la prière sur le mort. Nous avons vu les masaïl concernant ce chapitre. Et aujourd'hui, nous allons voir Al-Mashiu Bil-Janaza. Ça y est, parce que après avoir lavé le corps, on l'ensevelit. Après avoir habillé le corps, alors on prie sur le mort. Et après cela, on le porte pour aller l'enterrer. Alors le fasl que nous allons voir ici va traiter Al-Mashiu Bil-Janaza. Donc l'imam Shawkani, il dit faslun wa yakunu al-mashi bil-janazati sari'an. Donc ici c'est cette première masala que nous allons voir ici, qui est Wayakunul Mash, la marche avec la janaza. Ici, la janaza veut dire le corps. Donc, la marche pour aller l'enterrer se fait rapidement. On marche rapidement. Hada lima taqaddama ma'ana min qawlihi. Cela, à cause de ce que nous avons déjà vu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Asri'u bil janaza, dépêchez-vous avec le corps. Tayyib, fa in kanat salihatan, si c'est une bonne personne, fa khayrun tuqaddimunaha ilay, c'est vers un bien que vous l'amenez, si c'est une bonne personne. Mais si c'est une mauvaise personne, fasharun, c'est un mal, tadauna, que vous allez déposer rapidement en riqabikum, de vos coups. C'est-à-dire, si c'est une mauvaise personne, vous vous débarrassez de lui. Mais si c'est une bonne personne, alors vous allez vite avec lui pour pouvoir le devancer et aller l'amener vite vers ce bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir sur l'islam et la sunna. Wa idha humilat al-janaza ala al-riqab. Donc si on porte le corps sur le cou, c'est-à-dire on porte sur les épaules, tayyib, c'est comme ça, on porte sur le cou, c'est-à-dire les épaules, ça va. Donc, famina sunna, fait partie de la sunna al-isra biha, de marcher rapidement avec le corps. Qala an-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi dit dans al-Majmu' wa ittafaqa al-ulama, les savants sont unanimes à la istihbab al-isra bil janaza. Ils sont tous unanimes à dire que c'est préférable de se précipiter avec le corps, illa sauf an yakhafa min al-isra'i, qu'il craigne lorsqu'on se dépêche, infijar al-mayyit, l'explosion du mort, c'est-à-dire le corps. Vous savez, souvent lorsque le corps est dur, gonfle. Et lorsqu'on se précipite avec lui, les secousements peuvent exploser le corps ou bien même casser une partie. Ou taghayyur, ou bien on craint qu'il change. Wa nahwihi fayata'anna, donc il va doucement. Le taghayyur, c'est l'odeur qui va apparaître. Ça va? Le raha, parce que lorsque vous le lavez, vous mettez des parfums. Mais lorsqu'on se dépêche avec lui, alors que le corps est gonflé à l'intérieur, ça fait sortir des gaz. Et ces gaz-là prennent le dessus sur l'odeur que vous avez mis, c'est-à-dire le parfum. Donc si on craint cela, alors on va doucement. Adawa ibn Adam. Qu'Allah nous accorde At-tawadu. C'est-à-dire, إذا خشينا من مفسدة تعود على الميت. Si on craint un mal qui va revenir contre le mort, فلا يسرع بها. On marche pas vite. وإلا sinon, فالسنة la سنة أن يسرع بها. C'est de marcher rapidement avec le corps. قال ابن قيم رحمه الله ابن قيم دي واما دبيب الناس دبيب c'est le fait de marcher doucement hein comme on appelle la reptation bimana aller doucement doucement اما دبيب الناس اليوم c'est-à-dire la marche lente des gens aujourd'hui ابن قيم il parle de son époque خطوة خطوة ils vont pas à pas un peu ça va comme on voit cela chez les mécréants quand ils portent le mort ils ont une manière de marcher on voit cela aussi chez les soldats quand ils portent le corps ils ont une manière de marcher comme des soldats طيب خطوه خطوه c'est-à-dire yani mashihim fil janaza khutwa khutwa le fait qu'ils marchent un peu comme nous voyons aujourd'hui. Fabidatun. C'est une innovation. Makuruha. Détestable. Mokhalifatun li sunna. Et c'est une contradiction de la sunna. Wamutadominatun li tashabbuhi. Et ça implique la ressemblance bi ahli kitab al-yahoud. C'est-à-dire avec les juifs. Les juifs. Lorsqu'ils portent le corps, ils marchent doucement, doucement, doucement, pas à pas. Alors, nous les musulmans, ma'mourou lana, il nous a été ordonné à nos khalifa, de les contredire, dans tous ceux qui sont dessus. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, khaliful yahoud wa nasara. Contredisez les juifs et les chrétiens. Ça va? Dans tout, même dans l'habillement. Si vous savez que cette manière de s'habiller est propre aux juifs, la yajuzulil muslim. Il n'est pas permis à un musulman de s'habiller comme ça. Léana hada fihi tashabbu bihim. Il y a en cela le fait de les ressembler. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man tashabbaha bi qawmin wa minhum. Celui qui ressemble à un peuple, il en fait partie. Donc ici, فهذا العمل Et cette manière de faire, huwa al-mashyu bil janazati khutwa khutwa. C'est de marcher avec la janaza, avec le corps, pas à pas. C'est-à-dire, on va doucement, pas. Laysa min amal al-muslimin. Ce n'est pas l'action des musulmans. Tayyib. Bali sunna, la sunna, an yusra biha kama amara sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, c'est de marcher vite avec le corps, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Tayyib. Donc la sunna, c'est de faire quoi? Marcher vite avec le corps. Tayyib. Qala rahimahullah. Alors, l'imam Shawkani, il dit encore, wal mashyu ma'aha wal hamlu laha sunna. Marcher avec la janaza. Marcher avec la janaza. Pas aller attendre la janaza au cimetière. Ni aussi dit à ceux qui ont la janaza, allez-y, j'arrive. Marcher avec la janaza. Tayyib, walhamlu, et porter le corps, sunna, c'est une sunna. Tayyib, al-mashyu ma'aha sunna, marcher avec le corps, c'est une sunna. Lianna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yamshi wa huwa wa ashabu ma'al janaiz. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui et ses compagnons marchaient avec la janaza, avec le corps. Tayyib, comme c'est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Majah. Tayyib, bal qala, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, man ittaba janazatan muslim, celui qui suit la janaza des musulmans, c'est-à-dire le corps des musulmans qu'on va enterrer. Imanan wa ihtisaban. Il suit cela avec foi et espoir de récompense. Wa kana ma'ahu. Et il est resté avec ce corps. Écoutez bien. Il est resté avec ce corps. Hatta yusalla alayhi. Jusqu'à ce qu'on prie sur le corps. Wa yufragu min dafniha. Et qu'on finit de l'enterrer. فَإِنَّهُ يَرْجِعُ Il retournera مِنَ الْأَجْرِ avec des récompenses قِيرَطَيْنِ de قِيرَ قِيرَ ce que les Arabes connaissent du قِيرَ c'est ce qu'on appelle كَرَ c'est-à-dire كَرَ c'est les poids d'or ça va au niveau d'or on dit 2 كَرَ 3 كَرَ 4 كَرَ mais ça c'est la langue arabe mais la قِيرَ dans sur la langue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas kara qu'on connaît, mais la kira, une seule kira, c'est comme la montagne de Uhud. Donc celui qui suit, qui prie d'abord sur le corps, qui suit la janaza jusqu'à l'enterrement. Jusqu'à ce qu'on l'enterre, il a deux qira. C'est-à-dire, des actions, l'équivalent du mot de Uhud, deux fois. Allahu Akbar. Falmashyu ma'aha, donc ici d'abord, ce hadith est muttafaqun alayh. Tayyib. Falmashyu ma'aha sunna. Marcher avec le corps, c'est une sunna. Wa ajruhu azim. Et sa récompense est immense. Wa hamluha kadhalika sunna. Et porter le corps aussi est une sunna. Li qawlihi alayhi salatu wa salam. À cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit asri'u bil janaiz. Il dit précipitez-vous avec les janaiz, c'est-à-dire les corps. Que vous allez enterrer. Fa in kanat salihatan. Si c'était une bonne personne, fa khayrun tuqaddimunaha ilayh. Alors, vous l'amenez vers un bien. Donc, Celui qui amène quelqu'un vers un bien, il se précipite, n'est-ce pas? Mais si c'est autre que cela, lui-même il est un mal. Que vous allez déposer rapidement. Vous allez vous débarrasser de lui. Fakauluhu sa parole, fasharrun tada'un an riqabikum. Alors, c'est un mal que vous allez déposer vite. Vous allez enlever sur vos cou, c'est-à-dire sur vos épaules, et vous allez déposer. Il y a une preuve qui montre que, ici, on porte le corps sur les épaules. C'est ça? Tayyib. Dans la riwaya de l'imam Bukhari, il dit Oudiatri Janaïs, si on dépose la janaza, le corps, wahtamalaha rijal ala anaqihim, et que les hommes ont porté cela sur leur cou, fa'in kana salihatan, si c'était une personne de bien, qala, lui-même il dit, qaddimuni, qaddimuni, c'est-à-dire, allez vite avec moi. Fa'ada yadullu ala sunniyati hamliha. Alors cela montre que c'est une sunna de porter le corps sur les épaules. Alors le corps, c'est-à-dire ici, le cou, ça ne veut pas dire sur la tête, ça veut dire sur les épaules. Comme on voit la manière dont ça s'est fait. On met ça sur sarir et il y a différents bois qu'on attrape et puis on le met au milieu. Toyib. Non. Wa ajma al ulama, les savants sont unanimes. على أن حمل الجنازة فرض على الكفاية. Les savants sont unanimes que porter le corps sur le cou, c'est-à-dire amener le corps jusqu'à l'enterrement, c'est une obligation non commune. C'est une obligation commune. Et on a déjà vu qu'on sabaq wa qulna al-fard fardan. On a dit qu'il y a deux obligations. N'est-ce pas? Fardou, kifaya, obligation commune, au fardou, aïn. Fa fardou l'aïn. Le fardou l'aïn, c'est quel fard? Ou alladhi yajibu ala kulli muslimin bi aïnihi. C'est ce qui est obligatoire sur tout musulman de façon personnelle. Toyib, an ya'amal al-amal, de faire l'action. Wa amal fardou kifayi, quant à l'obligation commune, c'est quelle obligation? Fawa wajibun ala l'umma kakul, sur toute la communauté. Iza qawma bihi l'ba'd, si certains le font, saqatan l'baqin, l'obligation quitte sur les autres. Fala amalu la yutlawu min kulli shakhs, l'action qu'on ne demande pas à tout le monde, walakin yutlawu an yu'mal, mais on demande que l'action soit faite. Fala buddha an yu'mal, et il est impératif que l'action soit faite. فَإِذَا عَمِلَهُ الْبَعْضُ, si certaines personnes le font, سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ, alors l'obligation quitte sur les autres. وَإِذَا لَمْ يَعْمَلُ أَحَدٌ, mais si personne ne l'a fait, أَسِمَ كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ, toute personne qui a su cela et qui n'a pas fait, ils sont tous dans le péché. Voyez. Donc ici, وَلَعَلَّ الْمُؤَلِّفُ, il se peut que l'auteur du livre يُشِيرَ أَيْضًا, il veut parler aussi du hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui concerne le fait de d'aller vite avec la janaza et le porter. Voyez, le hadith d'Ibn Mas'ud dit, manittaba janazata, celui qui suit une janaza, falyahmil bi jawani bi sarir, qu'il porte cela sur les côtés, tous les côtés, c'est-à-dire les quatre, devant, à gauche, à droite, derrière, ça va. Summa insha'a falyatatawwa, s'il veut maintenant, il peut faire le tatawwa bimana en prenant plusieurs côtés, s'il veut. Fa insha'a falyada, s'il veut qu'il laisse. Donc ça montre ici que c'est pas une obligation individuelle, mais dans ce sanad, il y a une kita. y a une interruption dans la chaîne de transmission. Fawa da'ifun. Ce hadith est da'if. La yassikhu wa la yu'malubi. Ce n'est pas authentique et on ne travaille pas avec. Ce hadith d'Ibn Mas'ud. Donc, wa la yassikhu fi kayfiyati hamliha. Il n'y a pas hadith authentique. C'est comme on doit porter le corps. Wala adadi alladhina yahmilunaha. Et le nombre de personnes qui doivent porter le corps. Il n'y a pas de hadith qui est authentique à ce sujet. Tayyib. Donc, al-amru wasi. Ça dépend de la manière où vous allez porter le corps. Walakin, vous portez le corps. Tayyib, sur vos coups. Nassalullah alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide. Sans fin sur le droit chemin. Naam. Ensuite, il dit, قال l'auteur du livre, والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء. Il dit, celui qui devance le corps, celui qui est devant le corps, c'est-à-dire dans la marche, celui qui est devant, et celui qui est derrière, ils sont pareils. C'est-à-dire la farqa bayna man masha amam al janaza wa man wa hiya mahmoula, ça va, wa man masha khalfa ou an yaminiha ou an shimaliha. Il n'y a pas de différence entre celui qui est devant, qui porte, celui qui est derrière, celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Il n'y a pas de différence. Mais certains disent que celui qui est devant, il a plus de mérite que celui qui est à gauche et à droite. Mais celui qui est à gauche et à droite, ils ont plus de mérite que celui qui est derrière. Innama ya'tamiduna ala aqulihim. Ne se base que sur les raisons. Parce qu'ils disent celui qui est devant ou al-mutaqaddim. Celui qui est placé devant. Donc voilà pourquoi lorsqu'il y a une janaza, tu vois ces ignorants, ils se précipitent pour aller prendre devant. S'il n'a pas eu devant, il prend à gauche ou bien à droite. S'il n'a pas eu cela, alors derrière on cherche quelqu'un maintenant. Parce que personne n'est prêt. Ils se disent que il n'y a pas assez de mérite. Il n'y a pas de fardil là. Donc il n'y a aucun dalil sur ça. Il n'y a pas de différence. Tout est pareil. Parce qu'il n'a pas été authentifié. Ça va? Rien n'a été authentifié montrant le mérite de celui qui marche devant la janaza. Il n'y a pas de hadith à l'Innabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça reste sur la base. Fi annal kul, qui veut dire tout le monde, wa si'un ja'is, tout est permis et c'est wa'sir, c'est-à-dire quelque chose ce que tu fais. Wal kullu yu'addu muttabi'an laha, et tout le monde est considéré comme suivant la janaza. Tayyib. Wa qad sabata al-mashyu amamaha, mais c'est venu de façon authentique le fait de marcher devant la janaza de plusieurs compagnons. En jam'in min as-sahaba. Mais ce n'est pas venu montrer que ceci est mieux que l'autre. Ça va? Qala al-mu'allif. Alors l'auteur du livre dit, l'imam Shawkani, il dit wa yukrahu ar-rukub. C'est détestable d'aller en monture avec la janaza ou ceux qui vont avec la janaza. C'est détestable. Wa qad warada fi zammihi al-hadith la tasih. Mais un hadith est venu blâmer, mais le hadith n'est pas authentique. Fa yabqa ala al-jawaz. Ça reste sur quoi? Hein? la permission, l'autorisation. N'est-ce pas? Voilà qui n'a le mâche, mais marcher avec la janaza. Ça va? Voilà, afdol. Mais c'est ce qui est meilleur. Pourquoi c'est afdol? Qui peut me répondre? Pourquoi c'est afdol? Non, Adam. Parce que c'est la sunna. Voyez, parce que des tests sont venus sur cela. Montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons marchaient. Toyib, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons marchaient. Donc voilà pourquoi c'est afdol, c'est meilleur. Fa innahu alladhi kana yafalu nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons faisaient. Fa sunna, la sunna idan al-mashyu, c'est de marcher mal janaza. La roukoube, pas aller en monture. Mais on regarde ici, ce qui est plus facile. Si on sait que le cimetière n'est pas loin, hein? Par exemple, nous qui sommes ici, on a le cimetière d'Agnama juste à côté de nous. Donc d'ici là-bas, ça va? Mais c'est une pratique qu'on ne voit même plus. Ça va? Si vous vous mettez à faire cela, les gens vont poser des questions. Et Roubama, même certains, même peuvent vous convoquer pour vous dire que vous boycottez les corbias. Ça va? C'est les corbias qui sont reconnus dans ce pays pour amener les corps au cimetière. Et vous décidez de le faire à l'ancienne manière. Donc, c'est de mettre cette sunna en pratique, si vous avez la facilité. Comment? Oui, dans les villages, c'est facile. Non, dans les villages, c'est facile. Même en ville, on peut décider de le faire. Hein? Mais on ne peut pas. Qu'à la facilité. Qu'à la facilité. Donc, wa hadith al-warid, quant au hadith qui est venu à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-janaza, qu'il a marché avec la janaza, hatta dufinat, summa ba'da zalika, utiya bi farasin wa rakiba, c'est-à-dire il a marché avec la janaza jusqu'à ce qu'on ait enterré la personne et on lui a envoyé un cheval. Il est monté sur le cheval. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim et l'imam Tirmizi. Il y a ici clairement que le messager d'Allah a marché et au retour, il est monté. Ça va? Fa'inaw yadullu ala anna sunna wal mash. Ça va? Ça montre ici que la sunna, c'est de marcher. La rukub, ce n'est pas monter. Parce que s'il pouvait. S'il voulait, il allait monter à cheval pour aller. Mais il a préféré marcher et au retour, on lui a apporté un cheval. Ça va? Qala al-mu'allif, rahimahullah. L'auteur du livre, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Wa yahrumu An-na'i. An-na'i, ici, c'est le fait d'annoncer le décès. Ça va? Les savants se sont beaucoup tirés sur le na'i. Mais al-haqqu, c'est que le na'i est permis. Mais ce n'est pas le na'i de la jahiliya. Et Cheikh Albani, il dit dans son livre, Ahkamul Janaiz, il dit An-na'yu Jais, c'est permis, mais na'yul jahiliya, la'yus. Parce que cette na'yul jahiliya, il sortait dans la rue, il faisait des bruits. Ou souvent, ils avaient même des choses qui tapaient pour annoncer la mort de quelqu'un. Ou ils envoyaient quelqu'un qui était rafi au saut, qu'il y a une voix qui s'élève. Et la personne s'arrête quelque part et crie, telle personne est morte ou est décédée. Là, il y a du zahad. Ça va? Non. Ouais, non, ça c'est pas permis. Ça c'est Nahyu Jahiliya. Le Nahyu, on va voir le Nahyu, c'est simplement informer. Ça va? Et s'il arrive qu'on informe dans la mosquée, pour que les gens sachent que telle personne est décédée là-bas. Mais ça ne doit pas être le Nahyu de la Jahiliya. Voyez? An-Nahyu fil Lugha. Dans la langue arabe, ou al-ikhbar, c'est informé bi mawtil mayyit, de la mort d'une personne. Waqad zahaba al-mu'allif, mais l'auteur du livre, lui, il a vu que c'est haram. Imam Shawkani, il dit c'est haram, il dit c'est interdit. Il s'est basé sur le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, inda Tirmizi. Qui est rapporté par l'imam Tirmizi et autres, qui dit qu'Ana iza mata lahu al-mayyit, si quelqu'un mourait, Hudhayfa disait La tu'adhinu bihi ahad, n'informez personne. Ay la tu'limu bihi ahad, ne faites pas savoir quelqu'un. Inni akhafu, parce que j'ai craint, an yakuna na'yan, que ce soit le na'y. Inni sami'tu Rasulallah. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam yanha an-na'yi. Interdit le na'y. Mais ce hadith est daif. Donc l'auteur du livre, il s'est basé sur des hadiths, mais ces hadiths ne sont pas authentiques. Wa warada hadith an ibn Mas'ud kadhalik. Il y a un hadith aussi qui est venu d'Ibn Mas'ud. Pareil. Lakinnahu ma aidan da'ifun la yasih. Ce hadith aussi est da'if et ce n'est pas authentique. Voyez. Wa sahih, ce qui est authentique, annahu yajuz, qu'il est permis à l'ikhbar bi mawtil mayyit, d'informer de la mort, du mort. طيب فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لمساجد الله صلى الله عليه وسلم ا انفورمي سي كومبانيون بموت النجاشي de la mort de Najashi. Najashi c'est qui? Le roi d'Abyssinie. طيب وكذلك لما مات جعفر بن ابي طالب ومن معه في المعركة. Et lorsque Jafar ibn Abi Talib et ceux qui étaient avec lui sont morts pendant la bataille, akhbara as-sahaba, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a informé les compagnons, bi'annahu qad qutila Jafar wa qutila man ma'a. Que Jafar a été tué et ceux qui étaient avec lui ont été tués. Fi sabilillah. Fadalla dhalika ala jawaz al-ikhbar. Alors cela montre que c'est permis de informer. Wa jawaz an-na'y al-mazkur. Et la permission d'informer ce na'y qui a été mentionné ici. Bima'na al-ikhbar bi mawt al-mayyit, informer de la mort d'une personne. Khususan idha kana al-mukhbar, surtout si celui qu'on informe sa yushariku fi salat ala al-mayyit, il va venir s'associer à nous. Vous priez sur le mort, ou fi takfini, ou bien l'ensevelir, ou fi dafni, ou bien l'enterrer. Voilà Bouddha min alami. Donc, c'est impératif qu'on lui fasse savoir cela, n'est-ce pas? Fal khulasa, le résumé, anna ahadith an-nahi, les hadiths qui viennent interdits, an-na'i, de na'i, informé de la mort, la tassih. C'est pas authentique. Wa sahih, ce qui est authentique, wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akhbara بموت غير واحد من الصحابة. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a informé de la mort de plusieurs compagnons. طيب. قال المؤلف رحمه الله. Ensuite, nous allons voir une autre masala qui est وَالنِّيَاحَةُ. النِّيَاحَةُ. Ça va? Aïe, c'est-à-dire تَحْرُمُ النِّيَاحَةُ. La niyaha est interdite. Qu'est-ce que c'est que la niyaha? هِيَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنَّدَبِ. C'est de lever la voix. Hein? En appelant. C'est-à-dire en diversifiant, en parlant des bienfaits du mort, mais d'une autre manière. Comme par exemple, Kamanas Maou Mimba de Nisa, au nom de certaines femmes, Indamaya Moutila Hameyit, lorsqu'il y a un mort chez eux, Tawal Wala, Bimana Tawal Wala al-Mara, c'est un verbe qui est ruba'i, tawalwala. Tawalwala al-mar'a, ça veut dire sahat, écrit, tawalwala, elle crie. Watakul, ya jabali, ya hafidhi, ya keda wa ya keda. Et tu trouves souvent, ça arrive même chez nous en Afrique. Ça va? Tu vois, celles qui sortent, tu vois en Bambara, elles disent encore Karila, en Tatiana, en Makusala. Tu vois? Hein? Amina, qu'est-ce qu'on va devenir? Hein? On va bien fort. Ada haram, c'est interdit. Fahadi hi an-niyaha, c'est ce qu'on appelle an-niyaha. Mais certains savants disent que an-niyaha ou al-buka ma'a saut, c'est de pleurer en élevant la voix. Hein? Peut-être tchabakoroye, amadel kakashi. Mais ni là, oui. Hein? Subhanallah. Et c'est chez certains, la coutume, même si tu n'as pas pleuré, on dit tu es content. Ça va? Cela m'est arrivé. Quand mon père il est décédé, rahimahullah, je n'ai pas pleuré. J'étais juste là calmement, j'attendais le corps pour prier sur le corps. Mais j'étais vraiment triste. J'avais souvent là les larmes qui coulaient et puis je ramassais. Mais tu vois, les tantes, généralement c'est les femmes. Elles ont commencé à pleurer, se jeter par terre, ceci, cela. Mais j'ai un oncle, quand il est venu, il m'a regardé. Il n'a pas vu que je suis en train de pleurer, malgré que mon père est décédé. Donc, lorsqu'il s'est déplacé, il allait dire aux gens que son père est décédé, il est content parce qu'il va prendre l'héritage. Il dit quoi? Subhanallah. Et quand ils sont venus me rapporter cela, eux-mêmes me disent, mais pourquoi tu n'as pas pleuré? Faut pas te mettre dans une place où on va avoir des mauvaises pensées. Tu dois pleurer. Là où nous sommes, car la lui fasse miséricorde. Donc, pour dire que, il y a certaines coutumes, si tu ne pleures pas, on te vise. On dit, est-ce que c'est pas lui qui l'a tué, même? Hein? Donc voilà pourquoi il faut pleurer. Hada laysa min al-islam. Ça ne veut pas partir de l'islam. Le fait de couler les larmes et d'être triste, Cela arrive plusieurs fois. Lorsque tu perds un être qui est cher, même lorsque tu pries sur le corps, tu ne peux pas te retenir. Tu sais, Rahma, la miséricorde que Allah a mis et la tendresse qu'Allah a mis dans le cœur d'un être humain, ça c'est Tobi'i. Tu ne peux pas t'empêcher. Et il faut, Arasou Surasam a coulé les larmes. Fakai Fabina. Nous, on nous dit, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas crier, il ne faut pas aller louer des pleurés internationales, on appelle ça professionnels. Hein? Elles sont là pour ça, spécialement. Ils ne savent même pas comment elles coulent les larmes. D'autres disent qu'elles mettent un piment sur les yeux. Hein? Elle a des cris qui. Aïe, Allah nous préserve. Alors c'est interdit. Hadi Nihaya. Wa niyaha muharramatun lima ja'ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. La niyaha, c'est interdit. À cause de ce qu'est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit An-na'ihatu, celle qui crie en pleurant. Idha lam tatub, si elle ne s'est pas repentie, qabla ma'utiha, avant sa mort, tuqamu yawm al-qiyama, elle sera ressuscitée le jour de la résurrection, wa alayha sirbal, elle aura une tunique, min qatiran, qatiran c'est goudron, tu vois le goudron lorsqu'il bouillit, on met sur elle comme une tunique, c'est comme une peinture. Vous voyez le goudron? Goudron, quand on met le goudron chaud sur ta peau, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève la peau. N'est-ce pas? Bon, elle sera vêtue d'une tunique en goudron. Wa dir un min jarab. Dir ici, c'est l'armure. Mais ici, le maksoul, ce n'est pas l'armure. C'est-à-dire, min jarab. Jarab, c'est quoi? C'est la gale. Elle sera tellement, tout son corps sera de la gale, et cette gale-là va recouvrir son corps, bimanzila, etc. Comme l'armure que tu mets sur ton corps pour te protéger. Ce hadith, akhrajahu muslim, c'est authentique. Donc, vous voyez le danger de faire la niyaha. وقال صلى الله عليه وسلم le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit الميت يعاد le mort est châtié في قبره dans son tombe بما نيح عليه à cause de la niyaha qu'ils ont fait sur lui. ولكن ici هذا إذا كان مقرا لهذا الفعل si lui-même il est d'accord avec ça في حياتي dans sa vie. C'est-à-dire, il suffit une seule fois seulement qu'il soit quelque part et que les gens ont fait ça et puis il ne les a pas interdits. Et il a aimé. S'il meurt, si on fait la même chose, il sera châtié. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Arba'un. Il y a quatre choses fi ummati dans ma communauté min amri al-jahiliya. Fait partie de la jahiliya, c'est-à-dire de l'ignorance avant l'islam. La yatrukuhunna. Et les gens ne vont pas les laisser. La yatrukuhunna. Ils ne vont pas les laisser. Voici ces quatre choses. On va les citer une par une. Et vous allez voir lequel d'entre elles vous êtes éprouvé par ça. Si vous êtes éprouvé, répentez-vous. Répentons-nous tous. Mais si ce n'est pas le cas, Nahmadullah, ala l'afia. On remercie Allah de nous avoir accordé à la afia, le fait d'être préservé. Tayyib. Al-fakhru fil ahsab. La fierté. Fil aba. C'est nous. Wa ta'nu fil ansab. Dénigrer la lignée de quelqu'un. vous les connaissez là. Vous êtes des mauvaises personnes. Généralisez la chose. J'ai pris exemple sur le connaît. Sinon, il y a des sorrows. Hein? Toyib. Ensuite, il dit Wal-Istisqa bin-Nujum. Et demander la pluie à travers les étoiles. Wal-Niyaha. Et la Niyaha que nous avons vu tout à l'heure. Voici les quatre choses. Amal-Fakru fil-Ahsab. La fierté fil-Ahsab. Fama'anahu. Ya'uddu rajul li nafsihi min al-khisal al-hamida. C'est-à-dire, lui, il considère que lui, il a de la valeur. Soyez, Kashuja, comme être un guerrier, Walkaram, ou bien être généreux, Wagher et Zalika. D'autre que cela. Fayaftakhiru, il est fier de cela, les nafsihi pour lui-même, Wali Abaihi, et pour ses pères. Comme Bazem dit chez nous là, on est des guerriers, on est des dieux, vous êtes des esclaves, vous êtes des faibles, nous, on est des rois, on est des guerriers. Hein? Ada faqru fil ahsab. Ça, c'est la jahiliya. Voyez? Donc, il est fier pour lui-même ainsi que pour ses pères, pour ses grands-pères, bihadil afal, de ces choses-là. Ça peut être aussi vrai qu'ils aient vraiment cela. Parce que souvent, dans une lignée, ça peut être une lignée de chasseurs. Ça va? Le père, le grand-père, il était chasseur, le fils chasseur, le hein, comme Zozo, le fils Zozo, mushrik, père mushrik, grand-père mushrik, arrière-grand-père mushrik, il est content de cela et il est fier. Nous sommes des Zozo, mon ami, il faut te repentir, non? Les chasseurs. Bon, tu sais, ce que nous on connaît, c'est si ça on parle. Sinon, effectivement, son bayan est clair. Dozo, ça veut dire des chasseurs, c'est ça? Bon, ces chasseurs-là, la Yel Basse, même dans le passé, ces chasseurs-là, ils avaient toujours du shirk sur eux. Galiban. Ils avaient des trucs. Ça va? على كل حال الفقر في الأحساب لا يجوز والطعن في الأنساب نعم دينيغري دليني النسب c'est-à-dire إدخال العيب faire entrer le défaut في أنساب الناس dans la lignée des gens والطعن et le dénigré والغمض فيها et les trouver des défauts. Subhanallah. Comme tu vois certaines personnes. Non? Par amusement, alliance. Je ne saurais te répondre. À la cour des halles, il faut se méfier de cela. Hein? Par amusement, alliance. C'est comme ça qu'ils font. Et puis après, ça devient du sérieux. Et c'est du sérieux même. Tu vois? Chez nous, ici en Afrique, tu veux marier une fille, une sœur. Quand tu es, et ils te considèrent comme leur esclave, ils ne vont jamais te donner la vie. Mais ça a commencé comme ça. Vous êtes nos esclaves, hein? Nous on est vos rois. Et après, ça devient du sérieux. Mais là, qui attend à nous, c'est de les dénigrer. Ça va? وَتَقْلِيلُ مِنْ شَأْنِهَا et diminuer leur position. وَتَحْقِيرُ الرَّجُلُ أَبَا الْآخَرِينَ le fait que l'homme méprise les pères des autres. فَادِي مِنْ عَمَلِ جَهِلِيَّةِ ça fait partie des actions de la jahiliya. أَلَّتِي سَتَبْقَى ce qui va rester كَمَا أَخْبَرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ comme le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a informé. وَهِيَ muharramatun, et c'est interdit, kaunuha min amal jahiliya, parce que ça fait partie des actions de l'ignorance. Wa dhakaraha alayhi salatu wa salam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela, tahdhira minha, afin de mettre en garde contre cela, fayya muharrama, et c'est interdit. Wal istisqa bin nujum, et demander la pluie à travers les étoiles. Ça fait partie de la jahiliya. Et ça même c'est du shirk. Talabu suqya bin nujum, demander la pluie à travers les étoiles. Kama jaa fil hadith, comme c'est venu dans le hadith, fakanu yakulun mutirna bin naw ikada wa kada. Ils disent que nous on a eu la pluie à cause de telle étoile. Ça va? Maintenant lorsqu'il manque de pluie, il demande l'étoile. Ay mutirna bin najmi fulan. Ça va? De telle étoile. Fahuwa alladhi yumtiruhum. Et c'est l'étoile qui fait que ils ont la pluie. Wala aidan min amal jahiliya. Cela fait partie de l'action de la jahiliya. Amma niyaha, quant à la niyaha, nous avons déjà vu son sens. Takulu Umu Atiyya dit, akhadha alayna Rasulullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris mal bay'a, lorsque nous l'avons fait serment d'allégeance. Ala diya yu wa nabi, iza ja'aka al mu'minat, yubayi'na. Lorsque le mu'minat vient pour prendre la bay'a. Donc, quand ils sont venus faire le serment dans les anges au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis dans le serment Allah nanouh, qu'on ne fasse pas la niya. Il a pris le serment d'allégeance sur cela. Aussi, ça faisait partie. Ce n'est pas la baya des Ansar Shaitan. C'est pas Ansar Din, c'est Ansar Shaitan. C'est pas les baya. Parce qu'ils disent que les baya, c'est ce qu'on fait avant de rentrer dans l'islam. Donc, selon eux, si tu ne fais pas la baya, tu n'es pas musulman. Mais ils cherchent l'argent. Quand ils le font baya, tu dois dire que tu vas leur donner l'argent. Wa naqala an-nawawi, wa ici, ay akhadha alayhim, innama ja'at nisa. Lorsque les femmes sont venues, yuridna mubaya'a, elles ont voulu lui faire la baya, isharat alayhinna alla yanhan, il a conditionné qu'elle ne fasse pas la niyah. Wa laqala an-nawawi rahimahullah al-ijma', Nawawi a rapporté le consensus à la tahrim niyah, sur l'interdiction de la niyah. Ensuite nous avons une autre masala, wa tiba'uha binarin wa shaqqil jaybi والدعاء بالويل والصبور. C'est-à-dire suivre la janaza avec le feu, allumer le feu et suivre la janaza. وشق الجيب, déchirer l'habit. والدعاء, et aussi invoquer, c'est-à-dire appeler, بالويل, que malheur à nous, والصبور, et qu'on ait périr. الصبور, c'est la perdition. Donc ici, Allahul Musta'an, yahrumu tiba'u al-janaiz binar, c'est interdit de suivre la janaza avec le feu. Wa warada fi zalika hadith da'if an Abi Hurayra, mais le hadith da'if qui est venu d'Abu Hurayra, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tutabba al-janaza bi sawtin wala nar, ne suivez pas la janaza avec la voix ainsi que le feu. Donc le hadith est rapporté par plusieurs rapporteurs, mais il y a dans le hadith deux majhoul. S'il y avait un seul majhoul, mushkila. Mais il y a deux majhoul dans le hadith. Ça y est. Walakin sahha min qawli Amr ibn al-As. Mais c'est authentique de la parole de Amr ibn Auf, As, qui est annahu naha an ittiba'i, qu'il a interdit de suivre la janaza bi sautin aw nar, avec la voix ou bien le feu. Wa qala ibn Mundhir dit wa kariha kullu man nahfaza anhum, min ahli al-ilm, et toute personne dont nous avons mémorisé les hadiths d'eux, ou bien nous avons pris la science d'eux, ont tous détesté an yuttaba al-mayyit binarin tuhmalu ma'ahu idha humila, lorsqu'on porte le mort. Summa dhakara man ruya anhu nahi, et a mentionné celui dont on a rapporté l'interdiction en zalika wa awsa bihi min as-salaf, et ceux qui ont conseillé parmi les salaf. Wa ma tahrim shaqq al-jayb, quant à l'interdiction de déchirer l'habit. Fa liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit laysa minna man daraba al-khudud, ne fait pas partie de nous celui qui frappe les joues. Wa shaqq al-juyub, et déchire les habits. Wa da'a bi da'wa al-jahiliya, et commence à appeler par les appels de l'ignorance. Darbul khudud, c'est l'atm, c'est se gifler. Ad-darbu bil khaddayn, c'est-à-dire il prend la main comme ça, il commence à gifler ses deux joues. Wa amma shaqqul juyub, quand à déchirer, jaybun c'est la poche, mais ici kullu fatha fi siyab, toute ouverture est appelée jayb. Mais généralement, les Arabes appellent jayb ce qui est au cou, c'est-à-dire là où on fait rentrer le cou. Donc, dans la jahiliya, lorsque quelqu'un décédait, surtout les femmes, celles qui faisaient cela, elles mettaient la main, les deux mains dans la fente, et elles déchiraient. Et elles commençaient à se frapper les joues. Faljaybu wal makanu ladhi yudkhalu minhu ras fi sawm, c'est l'endroit où on met la tête. Wa kanat al-mar'a idha asabatha musiba, et la femme lorsqu'elle était atteinte par un malheur, amsakat thawbaha, elle attrapait son habit, wa qatta'athu, et elle déchirait. Wa hadha muharram, et c'est interdit. Wa da'wa al-jahiliya kad-du'a bil-wail, comme le fait d'appeler, bil-waili, malheur à moi, wa thubur, Ntachiena, c'est-à-dire c'est fini pour moi. Wa niyaha ila niyaha wa ghayriha min anwa'i du'a, et autres que cela parmi les différents types d'appels, allati naha anha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Wa amma tahrimu du'a bil wail wa thubur, quant à l'interdiction d'appeler, de dire malheur ou bien nous avons péri, فداخل في دعوة الجاهلية, ça rentre dans l'appel de la jahiliya, المتقدم في الحديث الماضي, que nous avons vu dans les hadiths précédents. وويل هو العذاب, le ويل on connaît déjà, c'est le châtiment. والثبور هو الهلاك, c'est la perdition. وجاء في حديث عند ابن ماجه وابن حبان, c'est venu dans les hadiths chez ابن ماجه ابن حبان, أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة, الخامشة وجهها, la femme qui gratte son visage, الخامشة, التي تخمش, qui gratte son visage, بأظفارها, avec ses ongles, والشاق جيبها, et celle qui déchire ses vêtements, والداعية بالويل والثبور, et celle qui dit je suis foutu, al-wail, malheur à nous, on est foutu. Donc ça vient de la riwaya de Abi Usama. Donc ce hadith est rapporté par Ibn Majah Ibn Hibban dans son sahih, mais c'est de la riwaya de Abi Usama an Abdurrahman Ibn Yazid Ibn Jabir. Bon, il y a deux rapporteurs, Abdurrahman Ibn Yazid Ibn Jabir, lui il est daif. Mais lorsqu'il a rapporté ce hadith, Abi Usama, il a rapporté de Abdurrahman ibn Yazid. Et il a pensé que c'était Ibn Jabir, alors qu'en réalité, c'est Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim. C'est-à-dire c'est la fin du nom. C'est ce qu'on appelle l'illatul khafiyya. Et je vous ai déjà expliqué cela ici. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes noms, mais la terminaison n'est pas pareille. Donc, Alors, وقد خفي هذه العلة, cette maladie était cachée à la barre de Ahl al-Ilm. Al-Fadil, certains grands savants n'ont pas vu cela. فحسنوا الحديث. Ils ont rendu le hadith bon. ولكن هذا الحديث ضعيف. Ce hadith est ضعيف بعلته هذه, à cause de cette maladie. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre رحمه الله dit ولا يقعد المتبع لها حتى توضع. Voici une autre masala. Celui qui suit la janaza ne doit pas s'asseoir jusqu'à ce qu'on dépose la janaza. Toyib. Ay anna man masha mal janaza. Celui qui marche avec le corps. La yajlis hatta tuwda al janaza. Fi qabriha. Jusqu'à ce qu'on mette le mort dans sa tombe. Wa qala ba'du ahli al-ilm. Et certains savants dit. Hatta tuwda an manakib al-rijal. Jusqu'à ce que les hommes déposent de leur épaule. Wal awwal asah, c'est le premier qui est correct, authentique. Lianna warada fi riwayat as-sahihayn, car c'est venu dans la riwaya des deux authentiques. Wa hadha al-hukm, mais ce jugement là, as-sahih annahu mansukh. Ce qui est authentique, c'est que c'est abrogé. Tayyib, fa innahu kana bi bidaya, c'était au début. Summa nakhsakha ba'da dhalik. Et ça a été abrogé. C'est venu dans les deux authentiques que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَ فَقَدِّمُوا لَهَ. Si vous voyez la janaza, allez avec. فَمَنْ تَبِعَهَا, celui qui suit la janaza, فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَ, qui ne s'asseye pas jusqu'à ce que la janaza soit déposée dans la tombe. وَهُوَ الظَّهِرُ, c'est ce qui est apparent. فيما ذكر المؤلف ده سكا mentionné l'auteur du livre لكن نسخه, mais le hadith qui est venu abroger cela, le hadith se trouve عند مسلم de Ali ibn Abi Talib qui dit قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجنازة, il s'est levé dans la janaza ثم قعد, ensuite il s'est assis. طيب, donc dans la riwaya de Musnad de l'imam Ahmad, il a dit summa jalasa ba'da zalika, ensuite il s'est assis wa amarana bil julus, et nous a ordonné de nous asseoir. Ay anna al hukm kana bidayatan, le jugement de ne pas s'asseoir c'était au début. Summa nasaqa wa rafa, ensuite ça a été abrogé élevé. Wa uzina lahum bil julus, et leur a autorisé de s'asseoir. Hatta qabla an tuwda, jusqu'à avant que on ne dépose. Qala rahimahullah, l'auteur du livre dit rahimahullah, والقيام لها منسوخ. Il dit aussi ici, l'auteur du livre, se lever pour la janaza, c'est mansour. Ça va? Il dit on ne s'assoit pas. Mais il dit se lever encore, c'est mansour. Donc, l'imam taqaddam, vous allez voir ici, quand farraq al-mu'allif rahimahullah bain al-qiyam lil janaza, il a mis une différence entre le fait de se lever pour la janaza ou adab al-qu'ud et de ne pas s'asseoir lil muttabi' pour celui qui suit. C'est-à-dire, lui, pour lui, celui qui ne suit pas se lève pour le devant la janaza. Mais celui qui suit ne doit pas s'asseoir aussi. Toyeb, hatta tuwda' al-janaza, jusqu'à ce qu'on dépose la janaza. Faja'al al-thani, il a fait du deuxième, wal-qiyamu lil-janaza. Celui qui se lève pour la janaza, mansour. Lui, il est mansour. Mais l'autre n'est pas mansour. Bainama, ja'al al-julus qabla an tuwda'. C'est-à-dire, s'asseoir avant que l'interdiction ne s'assoie avant qu'on ne dépose la janaza, il a fait de cela sabit, quelque chose qui est authentique. Wa laysa bi mansukh. Et ce n'est pas mansukh. Et le cheikh dit, hadha tafriqu ghayr sahih. Cette différence n'est pas authentique. Wa sahih anna hadhihi al-ahkam kullaha. Tous ces jugements-là mansukha sont tous abrogés. Kanat bidayatan, c'était au début, summa rufi al-hukm. Ensuite, le jugement a été levé. ودليل النسخ, le dalil qui montre que ce jugement était abrégé, ما أخرج الطحاوي, c'est que l'imam Tahawi رحمه الله rapporté من حديث علي بن أبي طالب, du hadith de Ali ibn Abi Talib, أنه أجلس أقواما, il a fait asseoir des gens, كانوا ينتظرون الجنازة, ils attendaient la janaza, en tout temps, ils attendaient ce qu'on mette le corps dans la tombe, ils ne voulaient pas s'asseoir. Donc qu'est-ce que Ali les a dit? Ali les a dit, ijlisou, asseyez-vous. Summa qal, inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Ali dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Amarana bil julus ba'da al-qiyam. Nous a ordonné de nous asseoir après qu'on s'était levé. Fa'ada yadullu ala anna an-naskha lil amrayn. Et cela montre que ce sont les deux qui sont abrogés. Lil qiyam inda murur al-janaza, se lever lorsque la janaza passe, ou inda al-mashy ma'aha, ou bien de rester debout lorsqu'on marche avec la janaza. Wa aidan lil amr bil qiyam qabla an tuwda. L'ordre de se lever avant qu'on ne dépose. Kulluhu mansukh. Tout est mansukh. Fayajuzu an tajlisa qabla an tuwda. Il est permis que tu t'assoies avant qu'on ne dépose le corps, ou ba'daha, ou bien après. Fal hukmu bil qiyam, et le jugement de dire qu'on doit se lever pour la janaza, mansukhun ala sahih. C'est abrogé ala sahih. Donc, on a fini ce chapitre. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et le prochain chapitre, nous allons rentrer dans Faslu Dafnil Mayyit. Faslu Dafnil Mayyit. Ou Faslun Dafnul Mayyit. L'enterrement. Et on va beaucoup parler de certaines pratiques qui ne sont pas permises. Qu'on voit aujourd'hui lors de l'enterrement. Mais le but pour nous, c'est de connaître ce qui est authentique dans notre religion, ce qui concerne la janaza. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.